chit wala lè. Si bon Dieu plè, fok nou rive. Nap debake nan lot moun nou sa zami nou pa kon wout. Nap chèche moun kon pale nou sa langay. Sa di mizè pou nou, chagre pou nou. Sanje la kay, chak joun mle vet lò nan zye. Haïti m'a brûlé. Aïe, camarade, c'est pas caille, pao. Port-au-Prince m'a brûlé.